Actes chapitre 7. Alors le souverain sacrificateur lui dit, « Ces choses sont-elles ainsi ?» Et Étienne répondit, « Homme frère et père, écoutez-moi, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, du temps qu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Charan. Et lui dit, « Sors de ton pays, et d'avec ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. » Il sortit donc du pays des Chaldéens, et alla demeurer à Charan, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer en ce pays où vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucun héritage en ce pays, non pas même d'un pied de terre, quoiqu'il lui eût promis de le lui donner en possession, et à sa postérité après lui, dans un temps où il n'avait point encore d'enfant. Et Dieu lui parla ainsi, ta postérité séjournera 400 ans dans une terre étrangère, et là on la servira, et on la maltraitera. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu, et après cela ils sortiront, et me serviront en ce lieu-ci. Puis il lui donna l'alliance de la circoncision, et après cela Abraham engendra Isaac, lequel il circoncit le huitième jour, et Isaac engendra Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Et les patriarches étant pleins d'envie, vendirent Joseph pour être mené en Égypte, mais Dieu était avec lui. Qui le délivra de toutes ses afflictions, et l'ayant rempli de sagesse, il le rendit agréable à Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur sur l'Égypte, et sur toute sa maison. Or il survint dans tout le pays d'Égypte, et enchaînant, une famine et une grande angoisse, tellement que nos pères ne pouvaient trouver des vivres. Mais quand Jacob ouït dire qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya pour la première fois nos pères. Et étant retourné une seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et la famille de Joseph fut déclarée à Pharaon. Alors Joseph envoya acquérir Jacob, son père, et toute sa famille, qui consistait en 75 personnes. Jacob donc descendit en Égypte, et il y mourut, lui et nos pères, qui furent transportés à Sichem, et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, fils de Sichem. Mais comme le temps de la promesse pour laquelle Dieu avait juré à Abraham s'approchait, le peuple s'augmenta et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'il parut en Égypte un autre roi, qui n'avait point connu Joseph, et qui usant de ruse contre notre nation, maltraita nos pères, jusqu'à leur faire exposer leurs enfants à l'abandon, afin d'en faire périr la race. En ce temps-là naquit Moïse, qui fut divinement beau, et il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Mais ayant été exposé à l'abandon, la fille de Pharaon l'emporta, et le nourrit pour soi comme son fils. Et Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens, et il était puissant en parole et en action. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il forma le dessein d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant un d'eux à qui on faisait tort, il le défendit, et vengea celui qui était outragé, en tuant l'Égyptien. Or il croyait que ses frères comprendraient par là, que Dieu les délivrerait par son moyen, mais ils ne le comprirent point. Et le jour suivant il se trouva entre eux comme ils se querellaient, et il tâcha de les mettre d'accord, en leur disant, « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous tort l'un à l'autre ?» Mais celui qui faisait tort à son prochain, le rebuta, lui disant, « Qui t'a établi prince et juge sur nous ? Me veux-tu tuer, comme tu tuas hier l'Égyptien ?» Alors Moïse s'enfuit sur un tel discours, et fut étranger dans le pays de Madian, où il eut 2 fils. Et 40 ans étant accomplis, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans une flamme de feu qui était en un buisson. Et quand Moïse le vit, il fut étonné de la vision, et comme il approchait pour considérer ce que c'était, la voix du Seigneur lui fut adressée, disant, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Et Moïse tout tremblant n'osait considérer ce que c'était. Et le Seigneur lui dit, « Déchausse les souliers de tes pieds, car le lieu où tu es une terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai ouï leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer, maintenant donc, viens, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse, lequel ils avaient rejeté, en disant, « Qui t'a établi prince et juge ?» C'est celui que Dieu envoya pour prince et pour libérateur, par le moyen de l'ange qui lui était apparu au buisson. C'est celui qui les tira dehors, en faisant des miracles et des prodiges, dans la mer Rouge et au désert durant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète tel que moi, d'entre vos frères, écoutez-le. » C'est celui qui fut en l'assemblée au désert, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et qui fut avec nos pères, et reçut les paroles de vie pour nous les donner, auxquelles nos pères ne voulurent point obéir, mais ils le rejetèrent, et se détournèrent en leur cœur pour retourner en Égypte, disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car nous ne savons point ce qui est arrivé à ce Moïse, qui nous a amenés hors du pays d'Égypte. » Ils firent donc en ces jours-là un veau, et ils offrirent des sacrifices à l'idole, et se réjouèrent dans les œuvres de leurs mains. C'est pourquoi aussi, Dieu se détourna d'eux, et les abandonna à servir l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au livre des prophètes, « Maison d'Israël, m'avez-vous offert des sacrifices, et des oblations pendant 40 ans au désert? Mais vous avez porté le tabernacle de Moloch, et l'étoile de votre Dieu enfant, qui sont des figures que vous avez faites pour les adorer, c'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. » Le tabernacle du témoignage a été avec nos pères au désert, comme avait ordonné celui qui avait dit à Moïse, de le faire selon le modèle qu'il en avait vu. Et nos pères ayant reçu ce tabernacle, ils le portèrent, sous la conduite de Josué, au pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa de devant nos pères, où il demeura jusqu'au jour de David. Qui trouva grâce devant Dieu, et qui demanda de pouvoir dresser un tabernacle au Dieu de Jacob. Et Salomon lui bâtit une maison. Mais le souverain n'habite point dans des temples faits de main, selon ces paroles du prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Gens de Couroade, et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous obstinez toujours contre le Saint-Esprit, vous faites comme vos pères ont fait. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont prédit l'avènement du juste, duquel maintenant vous avez été les traîtres et les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui étant rempli du Saint-Esprit, et ayant les yeux attachés au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus étant à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. » Alors ils s'écrièrent à haute voix, et bouchèrent leurs oreilles, et tous d'un accord ils se jetèrent sur lui. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent, et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il cria, à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit.